L'avarice doit être changée en aumône. Je vous dis en vérité, comme le plomb a le centre pour fin, l'avare a pour fin le shéol. Car il est impossible à l'avare de posséder un bien au paradis. Savez-vous pourquoi? Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, même si l'avare est silencieux de sa bouche, ses travaux disent « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Il est prêt à tout dépenser ce qu'il a pour son plaisir personnel, sans considérer son commencement ou sa fin, qu'il est né nu et laisse tout en mourant. Dites-moi maintenant si Hérode vous donnait un jardin à garder et que vous faites comme si vous en étiez propriétaire, n'envoyant aucun fruit à Hérode, et quand Hérode envoie pour les fruits, vous renvoyez ses messagers. Dites-moi, vous seriez-vous fait vous-même roi de ce jardin? Sûrement oui. Je vous dis qu'ainsi aussi l'avare se fait lui-même Dieu sur les richesses que Dieu lui a données. L'avarice est une soif de la perception qui a perdu Dieu à travers le péché. Parce que la perception vit de délices, mais incapable de se délecter en Dieu caché et au regard, elle s'unit aux choses temporelles qu'elle tient comme son bien, plus fort plus elle se voit privée de Dieu. Ainsi la conversion du pécheur vient de Dieu, qui donne la grâce de se repentir, comme dit David. Ce changement vient de la main droite de Dieu. Il faut que je vous dise de quelle chose est l'homme, si vous voulez savoir comment faire pénitence. Remercions Dieu aujourd'hui qui nous a donné la grâce de partager sa volonté par ma parole. Jésus leva ses mains et pria. Seigneur Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, qui nous a créés par miséricorde, donnant à tes servants le rang d'humain avec la foi en ton véritable envoyé le Saint-Esprit. Nous te remercions pour tous tes bienfaits, nous désirons n'aimer que toi seul, tous les jours de notre vie, par le regret de nos péchés, par la prière, les aumônes et le jeûne, par l'étude de ta parole et instruisant ceux qui ignorent ta volonté, en endurant ce monde par amour pour toi, en donnant notre vie pour te servir jusqu'à la mort. Seigneur, sauve-nous de Satan, de la chair, et du monde comme tu as sauvé tes élus par amour pour toi, par amour pour ton messager, pour qui tu nous as créés et par amour, pour tous tes saints et prophètes. Ainsi soit-il, dirent les disciples, ainsi soit-il Seigneur, ainsi soit-il, notre Dieu miséricordieux. Vendredi, dès qu'il fit jour, Jésus rassembla ses disciples après la prière, et quand tous furent assis, il leur dit. Dieu créa l'homme debout terrestre en ce jour. Plaise à Dieu de vous dire de quelle chose est l'homme. Pour montrer à ses créatures, sa bonté, sa miséricorde, sa toute-puissance, sa libéralité et sa justice, notre Dieu fit un composé de quatre éléments contraires, terre, eau, air et feu, l'un l'autre tempérant son opposé, et les unit dans une matière finale qu'est l'homme. Il fit de ces quatre choses le corps, récipient de chair, d'os, sang, moelle et peau, avec nerfs et veines, et toute part interne. Dieu plaça au-dedans l'âme et la perception, comme les deux mains de cette vie. Donnant à la perception chaque partie du corps, où se loger et se diffuser comme une huile, et il donna à l'âme le cœur, où se loger et s'unir à la perception, pour gouverner la vie entière. Ayant ainsi créé l'homme, Dieu mit en lui une lumière appelée raison pour unir l'âme, la perception, et la chair, dans l'unique but de travailler à servir Dieu, puis il plaça son travail au paradis. Lorsque la raison fut prise dans le piège de Satan par la perception, la chair perdit son repos. La perception perdit le délice dont elle vivait. Et l'âme perdit sa beauté. L'homme vint à un tel extrême que la perception qui cherche le délice n'étant plus retenu par la raison, ne trouva pas de paix dans le labeur, mais suit la lumière que les yeux voient, incapable de voir autre chose que la vanité. La perception se méprend de lumière et pêche en choisissant les choses terrestres. Il faut que la raison soit éclairée de nouveau par la miséricorde de Dieu afin de connaître le bien du mal du délice véritable, et en le sachant, le pécheur pénitent se convertit. Je vous dis en vérité, si notre Seigneur Dieu n'éclaire pas le cœur de l'homme, les raisonnements humains n'ont aucun profit. Dans quel but alors sert-il aux hommes de parler ? Dit Jean. L'homme comme humain ne profite aucunement à convertir l'homme par la pénitence, mais l'homme comme moyen que Dieu utilise pour convertir les pécheurs. Vu que Dieu travaille au salut de l'homme de façon secrète en l'homme, on doit écouter chaque homme, afin que celui par qui Dieu nous parle soit reçu d'entre tous. Maître, dit Jacob, si par hasard un faux prophète venait enseigner le mensonge en prétendant nous instruire, que devrons-nous faire ? Un homme sortit pêcher au filet, répondit Jésus en parabole, il attrapa de nombreux poissons et rejeta ceux qui étaient mauvais. Un homme sortit semer et seul le grain tombé dans la bonne terre porta semence. Vous devez faire ainsi. Écoutez tout le monde et recevez seulement la vérité, puisque seule la vérité porte fruit pour la vie éternelle. Comment reconnaîtra-t-on la vérité ? Répondit Andrié. Tous ceux qui se conforment au livre de Mosché, recevez-le pour vrai. Dieu est un, la vérité est une, d'où vient que l'enseignement est un et la signification de l'enseignement est une, donc la foi est une. Je vous dis en vérité, si la vérité n'avait pas été effacée du livre de Mosché, Dieu n'aurait pas donné un deuxième à David. Si le livre de David n'avait pas été corrompu, Dieu ne m'aurait pas assigné à l'Évangile. Car le Seigneur notre Dieu, qui est inchangeable, n'a dit qu'un seul message à tous les hommes. À la venue de l'envoyé de Dieu, le Saint-Esprit, il viendra laver mon séphère de tout ce que les impies ont corrompu. Maître, dit celui qui écrit, que doit-on faire quand la loi se trouvera contaminée et qu'un faux prophète parlera ? La question est importante, Barnabé, je te dis que dans ce temps-là, pour cette raison, peu seront sauvés vu que les hommes ne considèrent pas leur fin en Dieu. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, tout enseignement qui détourne l'homme de sa fin en Dieu est le plus mauvais enseignement. Trois choses sont pour vous à considérer dans l'enseignement. L'amour envers Dieu, la pitié envers le prochain, la haine envers soi d'avoir offensé Dieu et qu'il offense chaque jour. Tout enseignement contraire à ces trois ordonnances est le plus mauvais. Je reviendrai maintenant sur l'avarice. Je vous dis que quand la perception veut s'unir à une chose ou la conserver tenacement, la raison doit dire cette chose aura sa fin. Si elle aura une fin, il est sûrement insensé de l'aimer. Il est nécessaire d'aimer et de conserver que ce qui n'aura pas de fin. Que l'avarice se change en aumône, pour distribuer justement ce qui a été obtenu à tort. Et que la main gauche ne sache pas ce que donne la droite. Non comme les hypocrites qui font des aumônes en souhaitant être vus et flattés par le monde, mais en vérité ils ne sont que vanité. L'homme reçoit son salaire de celui pour qui il travaille. Donc si un homme veut recevoir quelque chose de Dieu, il doit servir Dieu. Quand vous faites des aumônes, voyez à tout donner à Dieu par amour pour Dieu. Ne soyez pas lent à donner mais donnez le meilleur de ce que vous avez par amour pour Dieu. Désirez-vous recevoir de Dieu quelque chose de mauvais, dites-moi? Sûrement pas. Comment aurez-vous foi en vous, poussière et cendre, si vous donnez de mauvaises choses par amour pour Dieu? Il vaut mieux ne rien donner que donner une mauvaise chose. En ne donnant pas, vous aurez quelque excuse selon le monde, mais en donnant une chose sans valeur et gardant le meilleur pour vous, quelle sera votre excuse? C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la pénitence. Combien de temps doit durer la pénitence? Dit Barnabé. Tant qu'un homme est dans un état de péché, il devra se repentir et toujours faire pénitence de cela. Et comme l'être humain pêche toujours, aussi il devra toujours faire pénitence, à moins que vous fassiez plus de cas de vos chaussures que votre âme, puisque vous les réparez chaque fois qu'elles se brisent. Ayant appelé ses disciples tous ensemble, Jésus les envoya deux par deux dans les régions d'Israël. « Allez annoncer ce que vous avez entendu, » dit-il. Ils s'inclinèrent et il posa sa main sur leur tête, disant « Au nom de Dieu, donnez la santé aux malades, chassez les démons, détrompez Israël sur moi en leur disant ce que j'ai dit devant le grand Cohen. » Tous allèrent, sauf celui qui écrit avec Jacob et Jean. Ils partirent annoncer la pénitence à travers tout Juda, et ils guérirent toutes sortes de maladies, comme Jésus leur avait dit. Quand les gens virent faire par autant de disciples ce que Jésus faisait pour la guérison des malades en Israël, les paroles de Jésus, que Dieu est unique, se confirmèrent en Israël, et que Jésus était un prophète de Dieu. Après avoir parcouru à travers Juda, les disciples revinrent vers Jésus, qui les reçut comme un père reçoit ses fils. Dites-moi ce qu'a fait le Seigneur notre Dieu. Comme j'ai vu Satan tomber sous vos pieds, vous l'avez piétiné aussi sûrement que les vignerons piétinent les grappes. Maître, nous avons guéri d'innombrables malades et chassé de nombreux démons des hommes tourmentés, dirent les disciples. Dieu veuille vous pardonner, frère. Vous avez péché en disant « Nous avons guéri, car Dieu a tout fait. » Nous avons parlé stupidement, dirent-ils. Apprends-nous comment parler. Pour chaque bon travail, dites « Dieu a fait. » Et pour chaque mauvais, dites « J'ai péché. » Nous le ferons, lui dirent les disciples. Et qu'a dit Israël voyant Dieu travailler par tant de mains d'hommes comme Dieu a travaillé par mes mains? Ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que tu es prophète de Dieu, répondirent les disciples. Béni est le saint nom de Dieu, dit Jésus joyeusement pour n'avoir pas repoussé mon désir de le servir. Ils partirent se reposer après que Jésus dit cela. Toutefois les fils du diable, les Kohanim et les scribes, trouvèrent une autre façon de persécuter Jésus, ils commencèrent à dire que Jésus aspirait à la royauté d'Israël. Ils complotaient en secret contre Jésus par peur des gens du peuple. Jésus quitta le désert et entra dans Jérusalem, et tout le peuple accourut au temple pour le voir. Après la lecture des psaumes, Jésus monta sur le pinacle que le scribe utilisait et ayant requis le silence de sa main, il dit « Frères, bénissez le saint nom de Dieu, qui nous créa de boue terrestre, non d'esprit ardent, car nous trouverons miséricorde devant Dieu si nous péchons, mais non Satan qui se dit d'esprit ardent noble et superbe. » Frères, entendez ce que dit David. Notre Dieu se souvient que nous sommes poussière, que notre esprit part et ne revient plus. Et il a eu pitié de nous. Bénis sont ceux qui savent ces paroles, et qui ne pécheront plus devant l'éternité du Seigneur. Car ils se repentent après le péché et leur péché ne reste pas. Malheur à ceux qui s'élèvent, car ils seront humiliés dans les brûlantes braises du Shéol. Dites-moi frère, quelle est raison de s'élever? La terre en a-t-elle du bien ici peut-être? Sûrement pas. Comme Shlomo le prophète de Dieu dit. Tout est vanité sous le soleil. Si les choses du monde ne donnent aucune raison à notre cœur de s'élever, encore moins notre existence pleine de misère, puisque toutes les créatures inférieures à l'homme s'opposent à nous. Combien ont péri par la chaleur brûlante de l'été ou par le froid du gel en hiver, tués par la grêle et la foudre, noyés dans la mer dans la furie des vents, morts de peste ou de faim, ou dévorés par les bêtes sauvages, mordus et étouffés par les serpents? Quel misérable se vanterait d'avoir tant de choses à charge, guetté en tout lieu par toutes les créatures? Et que dirais-je de la chair et de la perception prête à toujours fauter, du monde qui ne fait rien d'autre que fauter, des mauvais hommes qui servent Satan et persécutent quiconque vit selon la loi de Dieu? Frères, comme dit David, il est certain que l'homme ne pécherait pas s'il considère l'éternité. Qui s'élève dans son cœur referme la grâce et la compassion de Dieu, ce qu'il ne pardonne pas. David dit : Notre Dieu se souvient que nous sommes poussière, que notre esprit part et ne revient pas. Celui qui s'élève nie qu'il est poussière, ne reconnaît pas son besoin, et ne demande pas l'aide de Dieu, son aidant, ce qui soulève sa colère. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, Dieu pardonnerait si Satan reconnaît sa propre misère et demandait pitié à son Créateur à jamais béni. Quelle inutilité que l'orgueil des humains créés debout, qui oublient leurs conditions et voudraient agir envers Dieu selon leur plaisir personnel. Ils se moquent de Dieu en disant qu'il est inutile de servir Dieu, comme leurs travaux démontrent. Frères, moi, un homme debout et poussière qui marche sur la terre, je vous dis de reconnaître vos fautes et de faire pénitence. Frères, je vous dis que Satan vous a trompé par les soldats romains pour avoir dit que j'étais un dieu. Prenez garde de croire ceux qui sont sous la malédiction de Dieu vu qu'ils servent de fausses divinités du mensonge. David appelle la malédiction sur eux. Les dieux fabriqués d'or et d'argent des mains des nations ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas, un nez mais ne sentent pas, une bouche mais ne mange pas, une langue mais ne parle pas, des mains mais ne touchent pas, des pieds mais ne marchent pas. David prie à notre Dieu vivant et dit : Qu'il soit comme elles ceux qui les fabriquent et ont foi en elles. Frères, Satan souhaite vous réduire à ça en vous faisant croire que je suis un dieu, moi un être passant et mortel, incapable de créer une mouche. Je ne peux rien vous donner d'utile, puisque j'ai moi-même besoin de tout, comment pourrais-je vous aider en toute chose, comme c'est le propre à Dieu d'agir ainsi? Que ceux qui ont notre seul grand Dieu, qui a créé l'univers par sa parole, se moquent des Romains et de leur divinité. Deux hommes montèrent ici prier dans le temple, l'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien s'approcha du sanctuaire et fit la prière la tête haute. Je te remercie Seigneur mon Dieu de n'être pas comme tous les autres pécheurs qui agissent mal, comme ce publicain, parce que je jeûne deux fois par semaine et donne la dîme de tout ce que je possède. Restez à l'écart. Le publicain baissa sa tête jusqu'à terre, se frappa sa poitrine et dit, tête basse. Seigneur, je suis indigne de regarder le ciel et ton sanctuaire, car j'ai beaucoup péché. Aie pitié de moi. Je vous dis en vérité, le publicain descendit du temple en meilleure condition que le pharisien parce que notre Dieu le justifia en lui pardonnant tous ses péchés. Le pharisien descendit en pire condition que le publicain, car notre Dieu le rejeta parce qu'il eut ses travaux en abomination. La hache se vante-t-elle peut-être d'avoir coupé la forêt où l'homme s'est fait un jardin? Sûrement pas, puisque l'homme a tout travaillé avec ses mains, non la hache. Et toi, homme? Quel bien te vantes-tu d'avoir fait vu que notre Dieu qui t'a créé debout travaille en toi tout le bien qui se fait? Pourquoi méprises-tu ton prochain? Apprends que si Dieu ne t'avait pas préservé de Satan, tu serais pire que lui. Apprends qu'un seul péché changea le plus bel ange en un démon le plus repoussant. Il changea Adam, le plus parfait humain venu au monde, en un être misérable et l'assujettit à ce que nous souffrons ensemble avec toute sa progéniture. Par quel décret ou vertu vis-tu selon ton plaisir personnel sans craindre aucunement? Malheur à toi, boue, qui te vante par-dessus Dieu qui t'a créé, tu seras rabaissé sous les pieds de Satan, qui t'attend au aguet. Ayant ainsi parlé, Jésus leva les mains et pria le Seigneur. Quand il finit sa prière, le peuple dit : Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Il descendit du pinacle et remit en entier les nombreux malades qui lui furent amenés, puis il sortit du temple. Les Kohanim et les scribes, qui détestaient Jésus, rapportèrent aux soldats romains que Jésus avait parlé contre leur divinité, car ils cherchaient vraiment à le tuer sans y parvenir, car ils avaient peur du peuple. Le lépreux purifié, Simon, l'invita à manger le pain. Jésus entra dans la maison de Simon et s'assit à table. Tandis qu'il mangeait, voici qu'une pécheresse publique, une femme nommée Marie, entra dans la maison et se jeta à terre, derrière Jésus, et baigna ses pieds de ses larmes. Puis elle les enduit d'une huile précieuse et les essuya avec ses cheveux. Simon fut scandalisé, tout comme ceux assis au repas, disant en leur cœur, s'il était prophète, il n'aurait pas laissé cette femme le toucher sachant de quelle sorte elle est. Simon, j'ai une chose à te dire. Parle maître, car je désire ta parole, répondit Simon. Il y avait un propriétaire qui avait deux débiteurs, l'un devait une créance de 50 pièces, l'autre 500, mais aucun d'eux n'avait de quoi payer. Ému de miséricorde, le propriétaire pardonna à chacun sa dette. Lequel d'eux aimera plus son créancier? Celui à qui la plus grande dette fut pardonnée, dit Simon. Tu as bien dit, aussi je te dis. Regarde cette femme et toi. Tous deux vous étiez endettés envers Dieu, l'un pour une lèpre de chair, l'autre de l'âme. La lèpre étant le péché. Ému de miséricorde à mes prières, notre Seigneur Dieu a bien voulu guérir ton corps et son âme. Tu m'aimes peu car tu as reçu peu en présent, aussi quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas embrassé, ni oint ma tête. Cette femme que voici, en entrant dans ta maison, s'est directement placée à mes pieds, les a lavés de ses larmes et oint d'une huile précieuse. Je te dis en vérité, de nombreux péchés lui sont pardonnés pour m'avoir beaucoup aimé. Ta foi t'a sauvé, dit Jésus se tournant vers la femme. Reprends ta route en paix, notre Seigneur Dieu a pardonné tes péchés, mais ne pêche plus. Après la prière du soir, les disciples approchèrent de Jésus et dirent : Maître, comment faire pour fuir la vanité ? Avez-vous vu un pauvre invité à manger le pain dans la maison d'un prince ? Avant de te connaître, dit Jean, j'ai mangé le pain dans la maison d'Hérode. J'allais pêcher et avais l'habitude de vendre à la famille d'Hérode. Et un jour qu'il fêtait, j'apportais là un beau poisson, il m'a fait rester manger là. Comment as-tu mangé le pain des infidèles ? Dieu veuille te pardonner, Jean. Comment t'es-tu comporté à table, dis-moi? Cherchais-tu le siège le plus honorable? Demandais-tu le plat le plus raffiné? Parlais-tu à table sans être interpellé? Te considérais-tu plus digne que les autres d'être assis à table? Comme Dieu vit, dit Jean, je n'osais pas lever les yeux me voyant, moi un pauvre pécheur mal vêtu, assis parmi les barons du roi. Quand le roi me donna un petit morceau de chair, Il me sembla que le monde tomba sur ma tête pour la grande faveur que le roi me fit. Vraiment, je dis que si le roi avait été de notre loi, j'aurais voulu le servir tous les jours de ma vie. Garde ton calme, Jean, je crains que Dieu nous jette dans l'abysse comme à Biram pour notre vanité. Les disciples tremblèrent de peur aux paroles de Jésus. Craignons Dieu pour ne pas qu'il nous jette dans l'abysse pour notre vanité, dit-il. Avez-vous entendu Jean sur ce qui se fait dans la maison d'un prince, frère? Malheur aux hommes qui viennent vivre de la vanité du monde, parce qu'ils mourront dans la déchéance et marcheront avec confusion. Ce monde est une maison où Dieu invite les hommes à la table de tous les saints et prophètes de Dieu. En vérité, je vous dis, tout ce qu'un homme reçoit, il le reçoit de Dieu, aussi l'homme doit se comporter avec grande humilité pour reconnaître la grandeur de Dieu et sa propre bassesse pour la grande bienfaisance qu'il nous donne à nous nourrir. L'homme n'est pas autorisé à dire : pourquoi faire comme cela et parler comme cela dans le monde ? Mais il doit vraiment s'estimer indigne de se tenir à la table de Dieu dans le monde. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, il n'y a rien de petit reçu de la main de Dieu ici dans le monde, qu'en retour l'homme passe sa vie pour l'amour de Dieu. Comme Dieu vit, Jean, tu n'as pas péché en mangeant avec Hérode comme tu as fait, c'est par une disposition de Dieu pour être notre maître, et de ceux qui craignent Dieu. Faites ainsi, dit Jésus à ses disciples. Vivez dans le monde comme Jean a vécu dans la maison d'Hérode lorsqu'il mangea le pain avec lui, car vous serez en vérité privés de toute superbe. Jésus marchait le long de la mer de Galilée entouré d'une grande foule. Il se dirigea sur un petit bateau qu'il avait placé lui-même un peu au large du rivage, amarré près de la terre, qu'ainsi sa voix puisse se faire entendre. Tous vinrent s'asseoir près de l'eau en attendant sa parole. Puis il ouvrit sa bouche et dit : voici, le semeur sortit semer. Quand il sema, certaines semences tombées sur la route furent piétinées sous les pieds des hommes et mangées par les oiseaux. Certaines tombées sur les pierres sortirent mais elles furent brûlées par le soleil car il n'y avait pas d'humidité. Certaines tombées dans les buissons poussèrent mais les épines étouffèrent les semences. Certaines tombées dans la bonne terre portèrent 30, 60, même 100 fruits. Voici, le père d'une famille sema une bonne semence dans son champ. Parce que les serviteurs du bonhomme dormaient, l'ennemi de leur maître vint et sema de l'ivraie sur la bonne semence. Quand le grain sortit, on vit une grande quantité d'ivraie pousser parmi le grain. Les serviteurs vinrent dire à leur maître : Seigneur, il y a une grande quantité d'ivraie qui pousse dans ton champ, n'avais-tu pas semé une bonne semence ? J'ai semé une bonne semence, répondit le maître, mais alors que les hommes dormaient, l'ennemi de l'homme est venu semer de l'ivraie sur le grain. Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie du grain ? Dirent les serviteurs. Ne faites pas cela car vous arracheriez aussi le grain, répondit le maître. Attendez le temps venu de la moisson pour arracher l'ivraie parmi le grain et le jeter à brûler au feu, alors vous mettrez le grain dans mon grenier. Voici. Beaucoup d'hommes sortirent vendre des figues. Mais venus sur la place du marché, ils furent incapables de vendre leurs figues car les hommes ne cherchaient pas de bonnes figues mais de belles feuilles. En voyant cela, un mauvais citoyen se dit : je vais sûrement devenir riche. Il appela ses deux fils pour aller ensemble amasser une grande quantité de feuilles avec des mauvaises figues. Ils vendirent celles-ci pour leur poids en or, parce que les hommes étaient très satisfaits par les feuilles, et les hommes qui mangèrent les figues devinrent malades de très graves maladies. Voici, un citoyen a une fontaine d'où les citoyens du voisinage prennent l'eau pour laver leurs impuretés, mais lui-même laisse pourrir ses propres vêtements. Deux hommes sortirent vendre des pommes, l'un décida de vendre la pelure pour son poids en or sans estime pour la substance de pomme. L'autre souhaitait donner les pommes et ne recevoir qu'un peu de pain pour son voyage. Les hommes achetèrent la pelure de pomme pour le poids en or sans attention pour celui qui souhaitait les donner, le méprisant même. Jésus parla ce jour-là à la foule en parabole, et après les avoir renvoyés, il partit à Nain avec ses disciples. Le fils de la veuve qui s'était relevé en vie le reçut dans sa maison et le servit avec sa mère. Ses disciples vinrent près de Jésus et lui demandaient : « Maître, dis-nous l'interprétation des paraboles que tu as dites au peuple. » L'heure de la prière approche. Une fois la prière du soir faite, je vous dirai l'interprétation des paraboles. Après la prière, les disciples vinrent auprès de Jésus qui leur dit : « L'homme qui sème la semence sur la route, sur les pierres, sur les épines, et sur la bonne terre, est celui qui enseigne la parole de Dieu qui tombe sur un très grand nombre d'hommes. Tombée sur la route, elle vient aux oreilles des marins et des marchands. Mais la parole de Dieu est soustraite de leur mémoire par Satan parce qu'ils font de longs voyages et font affaire avec diverses nations. Tombée sur les pierres, elle vient aux oreilles des courtisans. Mais la parole de Dieu ne pénètre pas en eux parce qu'ils servent le corps d'un prince avec beaucoup d'inquiétude. Et s'ils en ont quelques souvenirs, la parole de Dieu sort de leur mémoire aussitôt qu'ils ont une épreuve. Ils ne peuvent espérer l'aide de Dieu puisqu'ils ne servent pas Dieu. Tombée sur les épines, elle vient aux oreilles de ceux qui aiment leur vie personnelle. Mais bien que la parole de Dieu pousse en eux, le désir charnel qui grandit étouffe la bonne semence de la parole de Dieu. Car le désir charnel pousse les hommes à abandonner la parole de Dieu. Tombée dans la bonne terre, la parole de Dieu vient aux oreilles de celui qui craint Dieu et porte fruit de vie éternelle. Je vous dis en vérité, quand un homme craint Dieu, la parole de Dieu porte fruit en lui en n'importe quelle circonstance. En vérité je vous dis, ce père de famille est le père de tous, notre Seigneur Dieu qui a tout créé, mais il n'est pas père de nature, car il ne peut changer, sinon il ne pourrait générer. Ce monde appartient à notre Dieu. Le champ où il sema la semence de la parole de Dieu est l'humanité. Quand les enseignants sont négligents à annoncer la parole de Dieu, parce qu'ils sont occupés aux affaires du monde, Satan sème l'erreur dans le cœur des hommes, de là viennent les innombrables sectes aux mauvais préceptes. Seigneur, s'écrièrent les saints et les prophètes, n'as-tu pas donné un bon enseignement aux hommes, pourquoi y a-t-il autant d'erreurs? J'ai donné un bon enseignement aux hommes, mais pendant qu'ils s'adonnaient à la vanité, Satan a semé des erreurs, pour faire échouer ma loi, répondit Dieu. Seigneur, dirent les saints, disperserons-nous ces erreurs en détruisant ces hommes? Ne faites pas cela, car les croyants sont si étroitement liés de parenté aux incroyants que le croyant se perdrait avec l'incroyant. Attendez au jugement que mes anges rassemblent les incroyants pour les jeter dans le Séol avec Satan, alors les bons croyants iront dans mon royaume, répondit Dieu. C'est certain que de nombreux pères incroyants engendreront des fils croyants. Pour leur cause, Dieu attend que le monde se repente. Ceux qui apportent de bonnes figues sont les vrais enseignants qui prêchent le bon enseignement. Mais le monde trouve plaisir aux mensonges en recherchant les feuilles des enseignants aux belles paroles flatteuses. Voyant cela, Satan se joint à la perception et la chair pour apporter une grande provision de feuilles, c'est-à-dire une quantité de choses terrestres, dans lesquels il dissimule le péché, et l'homme qui reçoit cela devient malade et se dispose à la mort éternelle. Le citoyen qui a l'eau et en donne aux autres pour laver leurs impuretés, mais laisse pourrir ses propres vêtements, c'est l'enseignant qui prêche la pénitence aux autres, mais reste lui-même dans le péché. Ce misérable écrit dans les airs de sa propre bouche, non les anges, le châtiment qui lui convient. Si quelqu'un avait une trompe d'éléphant et le reste du corps aussi petit qu'une fourmi, ne serait-il pas monstrueux? Oui, sûrement. Je vous dis en vérité, celui qui prêche la repentance aux autres, mais ne se repent pas lui-même de ses péchés, est plus monstrueux. Quant à ces deux hommes qui vendent des pommes, le premier prêche par amour, pour Dieu sans flatter personne, il prêche la vérité et ne cherche que la subsistance du pauvre. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, un tel homme n'est pas reçu par le monde, mais plutôt méprisé. Celui qui vend la pelure pour son poids en or et jette la pomme prêche pour plaire aux hommes. En flattant le monde, il ruine les âmes qui suivent sa flatterie. Combien ont péri pour cette raison? Comment reconnaître et écouter la parole de Dieu de celui qui prêche par amour pour Dieu? Dit celui qui écrit. Celui qui prêche un bon enseignement doit être écouté comme si Dieu parle lorsqu'il prêche, car Dieu parle par sa bouche. Mais celui qui ne réprimande pas les péchés, qui distingue les personnes en flattant des hommes en particulier, doit être évité comme un horrible serpent, en vérité il empoisonne le cœur humain. Comprenez-vous? Je vous dis en vérité, un homme blessé n'a pas besoin de beaux pansements pour panser ses plaies mais d'un bon onguent. Un pécheur n'a pas besoin de belles paroles mais de bons reproches pour arrêter de pécher. Maître, dit Céphas, dis-nous comment, et combien de temps, les perdus seront dans les tourments du Séol avant que l'homme n'échappe au péché? C'est une grande chose que tu as demandé, Céphas, Dieu veuille que je te réponde. Sache que le Séol est un, il a 7 centres l'un sous l'autre. Il y a 7 châtiments au Séol comme il y a 7 sortes de péchés, et Satan y a généré 7 portes. Les colériques. Ils descendent au premier centre où ils seront insultés par les démons et par autant de damnés qui descendent plus bas qu'eux en les frappant avec mépris, les couchant sur la route où ils passent, enfonçant leurs pieds sous leur gorge. Ils ne pourront se défendre avec leurs pieds et leurs mains qui seront liés. Le pire pour eux sera qu'ils ne pourront exprimer leur colère en insultant les autres, vu que leur langue sera suspendue à un crochet, comme celui qui vend de la viande se sert. Les voraces. Ils descendront au deuxième centre où il y a pénurie de nourriture, excepté des scorpions et des serpents vivants à manger. Ils leur donneront tant d'effroi qu'il vaudrait mieux n'être jamais né que d'en manger. Quand les démons leur offrent sous l'apparence de plats raffinés, ils ne peuvent les repousser vu que leurs pieds et leurs mains sont liés avec des entraves de feu. Après les avoir mangés, le pire sera que ces mêmes scorpions, pour sortir rapidement, leur dévoreront le ventre en déchirant leur partie intime, et une fois sortis, puants et impurs qu'ils sont, ils seront de nouveau avalés. Les fainéants, ceux qui ne veulent pas travailler, descendront au troisième centre où des villes et d'immenses palais se construisent, qui sitôt terminés sont renversés si une seule pierre n'est pas alignée. D'énormes pierres sont placées sur les épaules des fainéants qui n'ont pas de main pour diminuer leur charge et se rafraîchir en marchant, vu que la paresse a retiré toute force de leurs bras et leurs jambes, sont entravés de serpents infernaux. Le pire seront les démons derrière eux qui les poussent jusqu'à les faire tomber sous les poids, sans aide pour se relever. Étant trop lourds à soulever, un double poids est mis sur eux. Les obsédés. Ils iront au quatrième centre, là où ceux qui ont changé le tracé donné par Dieu sont cuits comme du grain dans l'excrément brûlant des démons et où d'horribles serpents infernaux les enlacent. Ceux qui ont péché par des actes impurs s'unissent avec des courtisanes changées en furie infernale, des démons femelles aux cheveux de serpents, aux yeux brûlants de soufre, à la bouche de poison et langue de fiel, au corps totalement couvert de barbelés, comme ceux pour attraper le poisson fou, aux pattes de griffon, aux ongles de rasoir, aux organes génitaux de feu. Là avec elles, tous les obsédés jouiront des braises infernales qui deviendront leur lit. Les convoiteux. Ils descendront au cinquième centre pour y souffrir l'extrême pauvreté, comme le riche fêtard a subi. Les démons leur offriront ce qu'ils désirent mais quand ils l'auront dans leurs mains, pour un plus grand tourment, d'autres démons leur arracheront violemment par ces mots. Souvenez-vous de n'avoir pas voulu donner par amour pour Dieu, Dieu ne veut pas non plus que vous receviez. Quel malheur quand ils se retrouveront dans cette condition. Se voyant à présent en privation, ils se rappelleront l'abondance passée, comment ils auraient pu obtenir les délices de l'éternité par les biens qu'ils avaient. Les envieux. Ceux qui s'irritent du bien de leur prochain ici et se réjouissent de leur malheur, descendront au sixième centre pour se faire irriter sous l'écrou des serpents infernaux en très grand nombre. Ils leur sembleront que tous au Séol se divertissent de leurs tourments en géniant, qu'ils ne descendent pas au septième centre, bien que les damnés soient incapables d'aucun plaisir. La justice de Dieu fera paraître cela comme en rêve aux misérables envieux, afin qu'ils souffrent du rejet. Là où il n'y a absence de plaisir, tous sembleront se divertir du malheur des misérables envieux, en géniant qu'il n'est pas pire. Les arrogants. Ceux au cœur très hautain, seront plongés au plus bas centre, en passant par les centres du dessus pour endurer les tourments qui y sont. Puisqu'ils cherchaient ici à être plus exaltés que Dieu en voulant agir à leur manière, contrairement à ce que Dieu ordonne, ne voulant rien admettre au-dessus d'eux, ils seront placés aux pieds de Satan et ses démons pour être piétinés comme des grappes pour faire du vin, constamment en risée des démons qui les mépriseront. Il y a dans ce lieu maudit un châtiment général commun à tous les centres, comme une mixture de divers grains que compose un pain. Feu, glace, tornade, éclair, soufre, chaleur, froid, vent, hystérie et terreur, tous unis pour la justice de Dieu, sans que le froid tempère le chaud, ni le feu la glace, pour que chacun donne du tourment aux misérables pécheurs. Les incroyants resteront dans ce lieu maudit pour toujours. Si le monde se remplissait de grains de millet et qu'un oiseau en prenne un grain tous les 100 ans jusqu'à vider le monde, les incroyants pourraient aller au paradis et se reposer en joie quand ils seraient vidés. Mais là n'est pas cet espoir, leur tourment ne peut avoir de fin vu qu'ils n'ont pas voulu mettre fin à leur péché par amour pour Dieu. Les croyants auront du réconfort car leur tourment aura une fin. Les croyants vont aussi au Shéol ? Dirent les disciples effrayés d'entendre ça. Tout le monde, quel qu'il soit, doit aller au Shéol. En vérité, les saints et les prophètes de Dieu iront pour voir le châtiment sans le subir. Et les croyants pour n'y subir que la peur. Et que vous dirai-je ? Je vous dis que l'envoyé de Dieu ira pour voir la justice de Dieu et que le Séol tremblera en sa présence. Et parce qu'il a chair, tous ceux qui ont chair et qui seront sous sanction, seront sans sanction tant que l'envoyé de Dieu, le Saint-Esprit, y sera pour voir le Séol. Il y restera aussi longtemps qu'il faut pour fermer et ouvrir les yeux. Dieu fera ainsi pour que chaque créature sache avoir bénéficié de l'envoyé de Dieu. Quand il ira là-bas, tous les démons hurleront. Ils chercheront à se cacher sous les brûlantes braises, et se disant l'un l'autre. Fuyez, fuyez. Notre ennemi, digne de louange, vient ici. Entendant cela, Satan se frappera la face des deux mains et dira en hurlant. Tu es plus noble que moi et c'est fait injustement à mon détriment. Quant aux croyants qui sont dans les 72 rangs. Ceux des deux derniers rangs habiteront au Sheol 70 000 ans, parce qu'ils ont eu la foi sans les bons travaux. Parce que les uns en s'attristaient des bons travaux. Les autres s'égayaient aux mauvais. Après ces années, l'ange Gabriel viendra au Sheol et il les entendra dire. Digne de louange, où sont tes promesses envers nous disant que ceux qui ont foi en toi ne resteront pas à toujours dans le Sheol? L'ange de Dieu retournera au paradis et approchera l'envoyé de Dieu avec révérence pour lui rapporter ce qu'il aura entendu. Alors son envoyé s'adressera à Dieu et dira « Seigneur mon Dieu, souviens-toi de la promesse que tu m'as faite, à moi ton servant, que ceux qui ont reçu ma foi n'habiteront pas à tout jamais dans le Sheol, demande ce que tu veux mon ami, dira Dieu, je te donnerai tout ce que tu demandes. Seigneur, dira l'envoyé de Dieu, il y a des croyants qui sont au Sheol depuis 70 000 ans. Seigneur, où est ta miséricorde, je te prie Seigneur, de les libérer de ces châtiments amers. Dieu commandera aux quatre anges, favoris de Dieu, d'aller au Sheol emporter tous ceux qui ont foi en son envoyé, pour les emmener au paradis. Et ils feront ainsi. Tel sera le bénéfice de la foi en l'envoyé de Dieu, que ceux qui auront foi en lui, même s'ils n'ont fait aucun des bons travaux, mais vu qu'ils meurent dans cette foi ils iront au paradis après le châtiment dont j'ai parlé. Tôt le matin, tous les hommes de la ville, avec les femmes et les enfants, vinrent à la maison où Jésus était avec ses disciples. Ils le supplièrent. Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne recevrons aucun pain de notre terre cette année car les vers ont mangé le grain de cette année. Quelle est cette peur? Ne savez-vous pas qu'Élie, le servant de Dieu, vécut sans pain, ne mangeant que des herbes et des fruits sauvages pendant les 3 ans de persécution d'Achab? Pendant les 2 ans de persécution de Saul, David le prophète de Dieu ne mangeait que des herbes et des fruits sauvages, il mangea du pain que 2 fois. Seigneur, dirent les hommes, ils supportaient bien car ils étaient des prophètes de Dieu, nourris d'extase spirituelle. Mais comment feront ces petits? Quand ils lui montrèrent la multitude de leurs enfants, Jésus eut compassion de leur misère et dit. Combien de temps reste-t-il jusqu'à la moisson? 20 jours, dirent-ils. Adonnez-vous à la prière et au jeûne durant ces 20 jours. Et Dieu aura miséricorde de vous. Je vous dis en vérité, Dieu a causé cette pénurie parce que la folie des hommes qui a fait pécher Israël jusqu'à dire que j'étais un Dieu a commencé ici. Le matin du 20e jour, après avoir jeûné pendant 19 jours, ils regardèrent les collines, les champs étaient couverts de blé mûr. Ils coururent vers Jésus et lui racontèrent tout. Quand il les eut écoutés, Jésus remercia Dieu et il dit. Allez ramasser le pain que Dieu vous a donné, frères. Les hommes amassèrent tellement de grains qu'ils ne savaient plus où le mettre, et cela arriva pour beaucoup en Israël. Les citoyens prirent conseil de placer Jésus comme leur roi. Il s'enfuit d'eux dès qu'il le sut et les disciples eurent de la peine pendant 15 jours pour le retrouver. Jésus fut retrouvé par celui qui écrit, avec Jacob et Jean. Ils dirent en pleurant. Maître, pourquoi avoir fui de nous? Nous t'avons cherché en deuil. Tous tes disciples te cherchent dans les larmes. Je me suis détourné quand j'ai su qu'une armée de démons se préparait pour moi, ce que vous verrez dans un court délai. Les chefs Kohanim avec les anciens du peuple se lèveront contre moi et obtiendront autorité du gouverneur romain pour me tuer parce qu'ils auront peur que j'usurpe la royauté sur Israël. De plus, je serai trahi par un de mes disciples, puis vendu comme Joseph fut vendu en Égypte. Mais Dieu me sauvera de leurs mains et me retirera de ce monde. La justice de Dieu le fera tomber comme le prophète David dit. Il fera tomber dans la fosse celui qui pose un piège à son prochain. Les trois disciples en furent effrayés. N'ayez crainte, dit Jésus pour les réconforter, aucun de vous ne me trahira. Ils furent soulagés. Le jour suivant, 36 des disciples revinrent deux à deux, Jésus resta à Damas pour attendre les autres. Tous furent dans le regret d'apprendre que Jésus devait quitter le monde. Il ouvrit sa bouche et dit : Malheur à celui qui marche sans savoir où il va, encore plus à celui qui connaît une bonne auberge et sait comment s'y rendre mais souhaite rester sur la route boueuse de pluie au péril des voleurs. Dites-moi frère, ce monde est-il notre pays natal ? Sûrement pas. Le premier homme fut placé en exil dans ce monde pour y subir le châtiment de sa faute. Quel exilé n'aspire-t-il pas à retourner dans son riche pays natal s'il se retrouve dans la pauvreté? Notre Dieu créa l'homme pour le placer dans le paradis, non dans le monde. Celui qui s'attend à ne rien recevoir des Romains de loi étrangère à la nôtre, ne veut sûrement pas laisser son pays natal, avec tout ce qu'il a, pour partir vivre à Rome et ne jamais revenir. Encore moins partira-t-il s'il se trouve avoir offensé César. Les hommes croient que je suis venu dans le monde avec un privilège qu'aucun homme n'a eu et que même l'envoyé de Dieu n'aurait. Les amoureux du monde ne veulent pas penser à la mort. Ils ne veulent pas en entendre parler quand on leur en parle, la raison le nie mais l'expérience le prouve. En vérité je vous dis, et Shlomo le prophète de Dieu le crie avec moi. Mort, comme ton souvenir est amer pour ceux qui se reposent sur leur richesse. Je ne dis pas cela parce que je dois mourir, mais bien parce que je suis sûr de vivre de près la fin du monde. Mais je vous en parle pour que vous sachiez comment mourir. Comme Dieu vit, tout ce qui est fait de travers, même une fois, montre que pour bien faire une chose il faut se pratiquer. Voyez les soldats en temps de paix comment ils s'exercent les uns avec les autres comme s'ils étaient au combat. Comment l'homme qui ne sait pas exercer à bien mourir pourrait-il mourir d'une bonne mort? Comme dit le prophète David. Précieuse est la mort du saint aux yeux du Seigneur. Savez-vous pourquoi? Je vous le dis, comme les choses rares sont précieuses, ceux qui meurent bien étant rares, leur mort est précieuse aux yeux de notre Créateur Dieu. Il est certain que chaque fois qu'un homme commence une chose de rien, non seulement il se dispose à terminer mais il prend aussi la peine que sa forme soit belle. Quel misérable qui valorise ces choses plus que lui. Il coupe le tissu, mesure attentivement avant de couper, et une fois coupé le coud soigneusement. Sa vie n'est que naître et mourir, car seul qui n'est pas né ne meurt, alors pourquoi les hommes ne mesurent-ils pas leur vie d'après leur mort? Voyez ceux qui construisent, comment ils posent chaque pierre en ayant en vue le fondement, pour vérifier si elle est bien droite et que le mur ne tombe pas. Quel misérable qui n'a pas vérifié le fondement de la mort, cette plus grande ruine tombera sur la construction de sa vie. Dites-moi comment est un homme lorsqu'il naît? Sûrement nu. Une fois étendu mort sous terre, quel bénéfice a-t-il? Il est enveloppé dans une pauvre toile de lin, récompense que le monde lui donne. Si les ressources d'un travail doivent être proportionnées du début à la fin, pour que le travail aboutisse à une bonne fin, quelle fin aurait l'homme qui souhaite les avoir terrestres? Il mourra, Comme dit David le prophète de Dieu, le pécheur mourra d'une très mauvaise mort. Si un couturier essayait d'enfiler une poutre dans l'aiguille au lieu d'un fil, le travail aboutirait-il? Il travaillerait en vain et serait méprisé de ses voisins. L'homme ne voit-il pas qu'il fait cela constamment quand il amasse de biens terrestres? La mort et l'aiguille où ne peuvent s'enfiler les poutres des biens terrestres. Mais dans sa folie, il s'efforce constamment de faire réussir le travail, mais en vain. Que celui qui ne croit pas à cette parole fixe les tombes et il trouvera la vérité. Quant à celui qui voudrait être plus sage que les autres dans la crainte de Dieu, qu'il étudie l'enseignement de la tombe et il trouvera le véritable enseignement de son salut. Il saura se préserver du monde, de la chair et de la perception, quand il verra que la chair humaine est une réserve de nourriture pour les vers. Si on marchait en sécurité au centre d'une route, mais que sur les bords on se blesserait à la tête, et que si vous voyez des hommes se battre jusqu'à tuer pour vouloir se placer plus près du bord, que diriez-vous? Quelle stupéfaction! Vous diriez sûrement qu'ils délirent de folie, et s'ils ne délirent pas, qu'ils sont désespérés. C'est vrai, répondirent les disciples. Jésus pleura et dit : vraiment, les amoureux du monde sont ainsi. S'ils vivaient suivant la raison qui se tient au centre de l'homme, ils suivraient la loi de Dieu et s'épargneraient la mort éternelle. Ils sont désespérés à suivre la chair et le monde, et cruels ennemis de leur propre personne en s'efforçant de vivre plus arrogants et plus débauchés les uns que les autres.